et tu frissonnes. Je voudrais des îles au bout du téléphone pour oublier que sans elle ça décolle. Sous-titrage Société Radio-Canada.